si le gène de la mucoviscidose avait été sélectionné pour ses avantages contre le choléra? C'est la passionnante hypothèse d'une étude mêlant génétique et archéologie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et les fleuves n'ont pas la vie tranquille. Ces vastes réserves d'eau douce terrestre sont particulièrement malmenées depuis les débuts de l'Anthropocène. Et enfin, sommes-nous à la veille de la découverte de la première exolune? Les résultats d'une observation ce week-end devraient confirmer la découverte d'une lune géante de la taille de Neptune autour d'une exoplanète. Mucoviscidose, fleuve et exolune, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ces passionnants sujets, la crème de la crème de la vulgarisation scientifique française, mesdames et messieurs, c'est Sébastien, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. pour la science, la science est une fête qui fête son 500e numéro, Cécile. Absolument, sur les grandes théories, les mutations des grandes théories, c'est un chemin long et passionnant. Et ce sera dans les kiosques à partir de mercredi. Bonjour Olivier Lascar. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir, qui a peut-être une prochaine révélation dans les prochaines émissions. On va suivre quelque chose de neuf qui arrive du côté de Science et Avenir. Un scoop bientôt. Pierre Faïs, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Relief, dont le numéro 9 est consacré aux fleuves, ce qui nous donne tout de suite un indice du sujet dont vous nous parlerez tout à l'heure. Oui. Elle est d'ailleurs à elle seule le vaste cours d'eau qui charrie chaque semaine les toutes dernières nouvelles. Oh, ça sent la fin de l'année, hein. On a besoin de repos. Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour, Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence ce journal des sciences avec une étude parue dans Nature Geoscience. Il y aurait un océan liquide sous la surface de Pluton. Sous la surface gelée de Pluton, hein, dès qu'on parle d'eau liquide, il y a toujours une grande excitation. Ici, ce n'est qu'une étude théorique réalisée grâce aux données collectées par la sonde New Horizon. En 2015, la sonde de la NASA avait survolé la planète naine la plus éloignée de notre système solaire. Géologiquement déjà, on supposait que la structure en couche de Pluton pouvait contenir une couche liquide. Sur la plaine de Spoutnik, une plaine très lisse de glace d'azote, on voit des cellules de convection. Il y a de la glace d'azote en quelque sorte qui bouillonne. Pour expliquer ce phénomène, les astrophysiciens japonais ont retracé l'évolution thermique et structurelle de la planète naine. Les simulations nous disent qu'il peut y avoir une couche liquide sous certaines conditions. Il faut rappeler quand même qu'à la surface de Pluton, il fait moins 220 degrés. Donc une question, si cet océan existe, pourquoi ne serait-il pas gelé? Réponse avec Alain Doré-Sundiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. On sait que sur Pluton, à la surface, on a une surface gelée constituée principalement de glace d'azote, de glace de méthane et de glace de monoxyde de carbone. Et on nous dit aussi que dans l'étude théorique, Pluton serait constitué d'un cœur rocheux qui serait à 70% en masse et puis le reste un manteau de glace d'eau. Et donc si entre la roche et la glace, si on incorpore une couche de clathrate, alors ils annoncent le terme de clathrate hydraté, donc ce sont des cages d'eau, donc c'est qu'il y a de l'eau, dans laquelle vous mettez à l'intérieur de ces cages, structure cristalline, donc une cage, des atomes de méthane, vous avez donc un autre composé, et ce composé, il est très isolant. Donc, à la base du manteau de glace d'eau, ils mettent dans leur simulation donc des clathrates de méthane, et ça pourrait donc isoler ce gros manteau gelé de glace d'eau du noyau rocheux qui, lui, est encore à de la chaleur, l'énergie résiduelle. Donc, qui permettrait d'avoir cette couche liquide d'eau. À Hawaï, les biologistes marins ont découvert l'existence d'un super corail capable de résister au blanchissement. Le blanchissement, c'est lorsque les coraux dépérissent, lorsque l'eau devient trop chaude ou trop acide. Et ces super coraux viennent de la baie de Kaneohe à Hawaï. Et il faut savoir que ce récif corallien a été dévasté dans les années 30 jusque dans les années 70, qu'ils étaient presque sur le point de disparaître. Hawaï rejetait ses eaux usagées dans cette baie. Du moment où la pollution a cessé, au cours des 20 dernières années, les coraux se sont développés de façon très rapide. Le récif a récupéré récupérer de 50 à 90% de sa superficie. Alors pour comprendre cette évolution, les biologistes d'Hawaï ont donc mené une expérience en aquarium avec trois espèces coralliennes provenant de deux zones distinctes. Pendant 3 mois, ils les ont exposées à des pH différents et à des températures élevées. Ce qu'ils ont constaté, c'est que cette espèce de corail était particulièrement tolérante au stress thermique. Aline Tribollet est chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Pour elle, cette étude pose de nouvelles questions sur la capacité des coraux à s'adapter. Les coraux, en fait, ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des petites algues qui vivent dans leur tissu, qu'on appelle les zooxanthelles. Et donc, en moyenne, quand on parle des coraux tropicaux, les zooxanthelles, donc les symbiontes qui habitent dans les tissus, apportent plus de 90 à 95% de la nourriture aux coraux. Ils émettent l'hypothèse, qui est basée sur des articles qui ont déjà été publiés, que les coraux résistants à la température posséderaient des zooxanthelles plus thermorésistantes. C'est pas forcément l'explication principale. Il y a clairement des différences entre les espèces coralliennes qui vont être capables de résister au changement climatique et d'autant plus qu'ils vont être dans des zones récifales qui sont déjà fortement perturbées. En fait, il semblerait quand même que les coraux qui sont déjà dans des zones perturbées, bah, ils semblent plus résistants à la température et à l'acidification parce qu'ils sont déjà exposés à des variations d'environnement importantes. Alors que les coraux qui sont dans des récifs, on va dire, éloignés de tout et qu'on appelle, nous, les scientifiques, des récifs plutôt préservés des activités anthropiques locales, bah, en fait, ceux-là semblent beaucoup plus sensibles. Après, on a du mal à prédire aussi l'avenir parce qu'on connaît très peu donc les capacités d'adaptation et d'acclimatation de ces coraux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. Et d'autre part, on n'a jamais vu dans l'histoire en fait à la fois l'augmentation de la température et de l'acidification de l'eau de mer en même temps sur des temps aussi rapides. Allez, pour tout comprendre sur ces phénomènes de blanchissement des coraux, on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission vers l'émission La méthode que nous y avions consacrée, le scandale du blanchissement. C'est en 2017. Vous pouvez retrouver tous ces liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. En bref, selon une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, la hausse du niveau des mers pourrait atteindre 2,40 m à la fin du siècle, Natacha. C'est le pire scénario, hein, si rien ne change et si les émissions de CO2 ne baissent pas. 2,40 m, c'est deux fois plus que les prévisions du GIEC en 2013. Le GIEC estimait une élévation du niveau des mers à 98 cm. L'étude précise que l'on a mal anticipé, voire sous-estimé les conséquences de la fonte des glaciers du Groenland et de l'Arctique, une fonte qui, on le sait, s'accélère. L'élévation du niveau de la mer pourrait donc entraîner l'immersion d'environ 1,79 million de kilomètres carrés de terre. C'est aussi grand que la Libye. Et selon cette étude, New York, Londres et Shanghai sont menacés. Une nouvelle étude dans les actes de la National Academy of Sciences revient sur l'intelligence des corbeaux. Ils seraient sensibles aux émotions négatives de leurs comparses. On sait que chez les mammifères, il y a une contagion émotionnelle, que les animaux peuvent être affectés par l'émotion d'un autre. Mais chez les oiseaux, c'est moins évident à prouver. Déjà, il est difficile de lire leurs émotions. Il n'y a pas de mimique faciale, par exemple. Alors, pour la première fois, des chercheurs ont essayé de voir si un état de déception, de frustration manifeste chez un corbeau était perçu par un autre, par un observateur, et si cela l'influençait. Ils ont fait une expérience. Un corbeau, sous le regard d'un autre, devait choisir entre des boîtes dans lesquelles était cachée de la bonne nourriture ou sinon des carottes, un aliment qu'il déteste. L'expérience a montré que le corbeau observateur perçoit l'hésitation et la frustration de son compère et surtout qu'il reproduit ensuite son comportement. Il met par exemple plus de temps à s'approcher de la boîte décevante. On ne peut pas tout à fait parler d'empathie, hein, attention à l'anthropomorphisme, mais bien de contagion émotionnelle chez ces oiseaux. Valérie Dufour est chercheuse au CNRS et étudie la cognition animale. Elle travaille sur l'intelligence des corvidés. Le fait de générer une émotion négative chez un individu par l'observation du congénère, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et ça n'a pas été montré avant chez les oiseaux. Ce qui est compliqué à déterminer, c'est est-ce que c'est bien l'émotion de l'autre qu'il comprend, ou est-ce que c'est simplement une contagion de comportement. Est-ce qu'il est, il observe le comportement de l'autre qui est frustré, et lui, il ne fait juste qu'imiter les comportements de l'autre, sans pour autant ressentir la frustration. Donc ça, c'est la grande question qu'on a en biologie quand on s'intéresse à la contagion émotionnelle. Et c'est pas vraiment de l'empathie, ça. Si jamais on ne fait qu'imiter un comportement, ça ne veut pas dire qu'on ressent la même chose. Donc c'est pas de l'empathie. Et avec les corvidés, je fais toujours attention parce que on a vu des très très belles études où on avait des résultats vraiment proches de ce qui se passe chez les grands singes. Sauf que quand on fait les bons contrôles, on se rend compte qu'en fait, une grande partie des compétences sont liées à des apprentissages très rapides et non pas à des compréhensions du phénomène, de la cause, de la conséquence. Donc, peut-être qu'ils en sont capables, mais il y a beaucoup d'études qui étaient très favorables par rapport à leurs compétences cognitives, qui étaient vraiment très, très, très encourageantes, qui finalement sont démontées au fur et à mesure. Donc, dès qu'on a réplication, on est sûr que c'est ça. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est toujours la même chose, c'est une réplication par une autre équipe de ce type d'études. Mais je pense que ce sera fait parce que c'est vraiment intéressant et c'est un joli moyen d'évaluer cette contagion émotionnelle. En bref, l'étude parue dans la revue American Journal of Psychiatry, voilà, on va y arriver, affirme qu'il n'existe pas de gène de la dépression. Et cela fait 20 ans que l'on cherche un lien entre dépression et génétique. Et là, c'est un travail de grande ampleur, hein, puisqu'il a recoupé les résultats de nombreuses études et croisé les données de 443 000 personnes. L'analyse de 18 gènes, le plus souvent associés à la dépression dans plusieurs publications, a montré qu'aucun d'eux n'était impliqué dans la maladie. Une étude publiée mardi dans Astronomy and Astrophysics montre qu'une famille de comètes contient de l'eau similaire à celle présente sur Terre. Les comètes dites hyperactives pourraient être à l'origine de l'eau sur notre planète. La nouveauté de cette étude, c'est que ce n'est pas la glace à la surface des comètes qui a été analysée, mais la glace libérée dans leur halo lorsqu'elle s'approche du Soleil. En mesurant le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, qui forme avec l'oxygène la molécule d'eau, les chercheurs ont trouvé la même composition chimique de l'eau présente sur Terre. L'étude relance donc le débat sur l'origine de nos océans. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, cette semaine, cette question posée dans le journal de la gastro-entérologie, ça vous donne tout de suite un indice sur la nature de ce qui va être évoqué dans quelques minutes. Pourquoi le café est-il laxatif, Natacha ? Pour mieux comprendre pourquoi cette boisson accélère la digestion, les gastro-entérologues ont fait boire du café à des rats pendant 3 jours. Ils ont constaté que le café augmente la contractilité des muscles de l'intestin grêle et du côlon. Et ça ne dépend pas de la caféine, hein, même résultat avec du décaféiné. Alors, même constat aussi en laboratoire, dans les boîtes de Pétri, les tissus musculaires de l'intestin se contractent lorsqu'il est directement exposé au café. Et les crottes des rats ont aussi été analysées. Surprise, on trouve moins de bactéries dans les selles de rats qui ont consommé du café. Un des auteurs déclare, cela signifie que le café pourrait peut-être être un agent antibactérien. Merci beaucoup Natacha, je vous laisse aller prendre un petit café. On y va. On va faire un petit tour de table après ce journal des sciences. Et on va reprendre un peu notre sérieux. Plein de choses intéressantes dans ce journal des sciences. Olivier, un petit mot peut-être sur la possibilité, hein, parce que ça reste très hypothétique, ce n'est pas lié à une observation, mais la possibilité d'un océan souterrain sous Pluton, sous la surface de Pluton. On voit l'engouement autour de Pluton qui est réactivé. Bon, évidemment, il y a eu New Horizons, la sonde New Horizons qui a été envoyé il y a longtemps, mais qui a fait son survol de Pluton il y a assez peu de temps. C'est la sonde de la NASA. Ça a révélé des photos extraordinaires et ça a excité toute la communauté des scientifiques, mais aussi des observateurs et du public sur Pluton. Et c'est amusant parce que Pluton, c'est le Rocky Balboa des planètes, parce que elle était au pinacle et puis elle est tombée, puisque ce n'est plus une planète, elle a été déchue. C'est la planète déchue, découverte récemment en 1930 et déchue, je ne sais plus, au début des années 2000, parce qu'elle n'a pas une rotondité parfaite, elle tourne un petit peu bizarrement, si je me souviens bien. Bon, il y a encore des astrophysiciens, alors souvent américains, puisque c'est une découverte américaine, Pluton, qui poussent vers une réhabilitation de cet astre pour qu'il redevienne une planète. Donc moi j'aime beaucoup Pluton, parce que j'aime Rocky Balboa. Ce que vous aimez, c'est cette espèce de méritocratie planétaire, hein, de revenir sur le feu de l'actualité. Pluton, non Pierre, ça vous évoque Oui, Pluton aussi, Rocky Balboa. Non mais sinon je rebondirais justement peut-être plus sur le blanchiment des coraux et la montée des eaux, hein, pour aussi peut-être parler d'une autre actualité aujourd'hui, qui est la grève mondiale pour le climat. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est un mouvement qui a été initié par Greta Thunberg l'été dernier et qui a reçu le soutien hier soir, je crois, de 130 scientifiques, dont Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Rammstein, voilà. Voilà, je voulais juste évoquer ça. Là. Et puis, on en parlait là, hors micro, c'est vrai que bon, il y a eu ce rapport de l'IPBES, dont nous parlerons d'ailleurs dès lundi autour de la biodiversité, qui est un rapport effectivement très alarmiste, hein, qui dresse pour la première fois un état des lieux complet de l'effondrement de la biodiversité, surtout de la rapidité de cet effondrement. Mais quand on entend ces découvertes et ces résiliences surprenantes comme celle du coraux, Cécile, ça redonne quand même une petite lueur d'espoir en se disant que on n'a pas encore compris ni maîtrisé la totalité des mécanismes de résilience de la nature, même quand on la maltraite extrêmement, comme c'est le cas des coraux. Absolument, c'est ce que semblaient dire d'ailleurs les chercheurs de l'expédition Tara quand ils sont revenus dans leur dernière mission. Ils n'ont pas encore publié du tout, mais bon, ils semblaient dire qu'effectivement, ils avaient observé dans certains endroits des coraux qui résistaient beaucoup mieux qu'ils ne l'auraient cru. Et donc, c'est toujours plein d'espoir. Donc, c'est bien, militons, allons défiler, travaillons, parce que le monde naturel est plein de surprises, comme cette histoire de corbeaux, moi, qui m'étonne beaucoup et que je trouve absolument passionnante. Enfin, on sait que les corbeaux sont a priori quand même très intelligents pour les oiseaux. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les corbeaux préfèrent les trains qui arrivent en retard plutôt que les trains qui arrivent à l'heure, comme les humains? Je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais c'est passionnant et on attend la réplication, comme le disait la chercheuse à votre micro. Et puis surtout, ce qui est rassurant, c'est de se dire que si, à cause de cette catastrophe climatique, l'humanité disparaît, bien peut-être plus tard, la civilisation des corbeaux, mais c'est une civilisation qui, on le sait depuis aujourd'hui, ne cultivera pas de façon intensive des carottes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h16, donc, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Et il y a cette enquête, on commence par cette enquête absolument passionnante que vous pourrez lire dès mercredi prochain dans le 500e numéro du magazine Pour la Science au mois de juin. Une enquête qu'on pourrait qualifier d'épidémio-génético-archéologico-ethnico-scientifique, hein, à peu près, c'est ça, ouais. Et qui part d'un constat, les populations européennes sont de facto plus souvent touchées par la mucoviscidose. Ça, c'est la partie épidémio. Et ça se termine à l'énéolithique, à l'époque de la sédentarisation des populations dites campaniformes. Racontez-nous cette enquête. Moi, j'avoue que ça m'a complètement passionné. Eh ben, écoutez, nous aussi, c'est très bien. Pour la science, publie chaque mois une chronique du biologiste Hervé Le Guyadère, qui est un grand spécialiste de l'évolution et qui nous raconte très souvent des histoires passionnantes. Et dans ce numéro 500, qui effectivement sortira mercredi prochain, là, il s'attarde sur la question de la mucoviscidose. Et donc, la mucoviscidose, c'est une, bon, comme tout le monde doit le savoir, c'est une maladie héréditaire très grave et qui fait partie de la plus commune en Europe, hein. On dit que ça concerne un nouveau-né sur 2000 ou sur 3000, ça dépend un petit peu des endroits en Europe. Et c'est vraiment lié effectivement à la population européenne parce que à Hawaï, par exemple, l'incidence de la maladie, c'est 1 sur 3800 chez les populations d'origine européenne, mais c'est 1 sur 9000 à peu près sur les populations autochtones ou d'origine asiatique. Donc c'est vraiment lié aux Européens. Donc, et on retrouve ce type de répartition aussi. Il y a des études épidémiologiques qui ont été faites notamment en Angleterre, dans les populations asiatiques, qui sont beaucoup moins touchées aussi. Absolument, et pour ne pas dire des populations d'origine africaine qui, elles, sont encore moins touchées. La mucoviscidose, c'est donc la maladie du mucus visqueux. Donc mucus, on entend tout de suite bronches, voilà, éclair, mais ça touche pas seulement les bronches, parce que il s'agit d'un dysfonctionnement des cellules de revêtement des organes creux chez l'homme. Donc les bronches évidemment, mais aussi le tube digestif. Qui produit du mucus par ailleurs aussi. Hein. Absolument, du canal du pancréas, les canaux biliaires, donc voilà. Et chez les gens atteints de mucoviscidose, le mucus est beaucoup trop épais, beaucoup trop collant, beaucoup trop visqueux. Résultat des courses, il finit par obstruer justement les canaux et s'accumuler dans les voies respiratoires et les voies digestives. Et malheureusement, c'est létal. Et en fait, ce qui se passe, elle a été identifiée, sait où elle se situe, très très bien maintenant les mécanismes de cette maladie. Absolument, c'est une maladie monogénique, donc c'est lié à un seul gène. C'est une maladie beaucoup plus facile à identifier, c'est pas du tout le cas de la dépression dont on parlait tout à l'heure. C'est lié à un seul gène qui est sur le chromosome 7, c'est une équipe canadienne qui l'avait découvert en 89, si je me souviens bien. 85. Et 85, ils ont trouvé que c'était sur le chromosome 7. Et voilà, 89, ils ont vraiment identifié le gène. Et en fait, ce gène code pour une très grosse protéine de 1480 acides aminés, voilà, qui s'appelle CFTR, d'un nom anglais dont je vais vous épargner de la prononciation. Cystic fibrosis transmembrane. Conductance régulateur. Bravo Nicolas. Allez. Et donc cette grosse protéine en fait sert de canal aux ions chlorure. Donc voilà. Et c'est ça qui, quand ce canal dysfonctionne, c'est ça qui provoque en fait une perturbation du métabolisme de l'eau et l'augmentation fatale de la viscosité du mucus. Et alors c'est lié. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent dans les maladies monogéniques, il y a plusieurs mutations. Il peut y avoir plusieurs mutations possibles. Voilà. Et en Europe, c'est lié à, enfin, il y a une mutation qui s'appelle PFE508DEL. Une sur 2000 environ, hein, 1900 mutations. Cette protéine. Voilà, il y a 1900 mutations à peu près, mais en Europe, cette mutation-là concerne à peu près 66% des cas. Donc, c'est vraiment énorme. Deux tiers. Donc, et donc, en fait, donc, en Europe, il y a à la fois une proportion anormalement élevée de cette maladie qui est quand même létale, et une fréquence aussi anormalement élevée d'une mutation particulière possible. Donc, pourquoi ? Donc, ça fait beaucoup de choses qui sont statistiquement pas tout à fait normal. Voilà. D'où l'enquête. Et les chercheurs ont longtemps cherché la raison de cette maladie et ils se sont dit qu'il y avait une seule hypothèse possible, c'était que la mutation avait été sélectionnée positivement à un moment de notre histoire, probablement pendant la préhistoire. Et ça, on connaît un cas similaire depuis très longtemps, c'est le cas de la drépanocytose. Voilà, la drépanocytose, c'est une autre maladie monogénique qui c'est le même type de fonctionnement, qui elle joue sur, c'est une mutation du gène de l'hémoglobine bêta, voilà. Ça fait des globules rouges un peu anormaux. C'est une maladie très très grave aussi qui touche, là sur pour le coup, les populations d'Afrique subsaharienne. Il y en a aussi beaucoup en France et dans les dom-doms parce qu'il y a des populations d'origine subsaharienne. Voilà. Et on a compris il y a déjà longtemps que cette maladie, le gène avait été sélectionné parce que d'une certaine façon, il protège contre le paludisme. Le parasite du paludisme se développe très mal dans ces globules rouges qui fonctionnent mal. Ce qu'il faut bien comprendre que quand on dit que ce sont des maladies monogénétiques, c'est-à-dire que ce sont des gènes récessifs et que la maladie se déclare quand ils sont présents sur les deux allèles. Or, quand il n'y a qu'un seul des deux allèles, on peut être tous porteurs de ces gènes type mucoviscidose. C'est comme ça quand même, c'est comme ça pour la drépanocytose. Soit comme ces gènes sont toujours en double, vous en avez hérité un de votre père, un de votre mère. Si les deux gènes sont dits normaux, vous n'êtes pas malade. Mais vous pouvez, si c'est la drépanocytose, vous êtes sensible au paludisme. Si vous avez les deux versions du gène qui sont mutées, vous êtes malade. Mais si vous avez un gène sain, un gène muté, à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins sensible au paludisme, ce qui est un gros avantage, évidemment, dans ces pays-là. Et c'est ce que les généticiens appellent l'avantage hétérozygote. Voilà, c'est la deux versions différentes. C'est-à-dire d'avoir une seule copie du gène, on ne déclare pas la maladie, oui. Mais néanmoins, on a du coup ces effets bénéfiques qui expliquent absolument une forme de sélection naturelle. Ben, voilà. Oui, c'est pour ça que le gène a pu se maintenir, parce que sinon, on ne voit pas comment un gène aussi létal aurait pu se maintenir. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne trouvait pas que c'était l'avantage pour la mucoviscidose. On se doutait que c'était le même type de phénomène. Mais l'avantage hétérozygote d'avoir ce gène muté de la mucoviscidose. Et donc là, voilà, c'est effectivement la réponse est due à différentes recherches dans le domaine de la génétique, mais aussi de l'archéologie. Et il y a notamment en 2010, l'équipe de José Peña de l'université de Bilbao qui a proposé que un gène muté, que vous n'en avez qu'un, de mucoviscidose, protège des diarrhées secrétoires comme celles qui sont provoquées par les toxines du choléra, par exemple. Et effectivement, ces toxines augmentent, elles, le flux sortant d'ions chlorure par les canaux, les fameux canaux CFTR, voilà, dans les cellules de l'épithélium de l'intestin. Donc elle fait exactement l'inverse de ce que fait la fameuse mutation PFE508DEL. Qui provoque la mucoviscidose. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les gens qui ont un gène sain, un gène muté, sont en partie protégés parce que la moitié de leurs canaux, voilà, les protègent des diarrhées. Des diarrhées qui sont notamment donc provoquées par le choléra. Provoquées par le choléra et qui sont mortelles. Hein, donc, en tout cas, l'était. Aujourd'hui, heureusement, on a quelques moyens d'y remédier. Mais donc voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, le choléra n'est pas spécifique à l'Europe. Donc voilà. Donc pourquoi en Europe ? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Et c'est là qu'on arrive dans la partie archéologie. Mais voilà. Vous voyez, on aurait pu faire l'heure entière dessus. C'est un feuilleton scientifique extraordinaire. Ouais, alors, pourquoi l'Europe ? On arrive à l'archéologie et à la génétique quand même, hein, parce que il y a deux équipes, voilà, qui se sont à nouveau pencher sur l'origine de ces gènes. Voilà, l'équipe d'Emmanuel Génin à l'université de Brest et celle de Philippe Farrell à l'université de Wisconsin. Et eux, ils ont calculé que l'apparition de ces formes de mutation date à peu près de 2708 ans voilà, en Irlande, ça c'est voilà, et en Grèce de 842 avant notre ère. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de trajectoire temporelle et géographique du nord-ouest au sud-est de l'Europe. En fait, il semble que la mutation soit apparue au début de l'âge de bronze, voilà, en Europe de l'ouest et du nord, et se soit propagée avec les personnes qui ont migré vers l'Europe de l'Est et du Sud, vers le premier millénaire avant notre ère. Voilà. Et alors ça fait penser à l'expansion de la culture campaniforme. La culture campaniforme, c'est une culture qui s'appelle comme ça parce que ouais, notamment, on la reconnaît au fait que nos ancêtres de cette époque-là fabriquaient des gobelets en forme de cloche, d'où le terme campaniforme. Alors, l'origine, le mode de diffusion, la culture campaniforme, c'est encore... C'est un peu mystérieux. C'est très compliqué encore. Mais quand même, ouais. La paléogénétique a bien montré qu'effectivement, il y avait eu des individus de cette culture qui ont bien migré d'Europe, en Europe, du nord vers le sud, enfin du nord-ouest vers le sud-est, à cette époque-là. Voilà. Et donc, et pourquoi ces gens du campaniforme ? C'est parce que c'était des éleveurs de bétail. Donc, éleveurs de bétail dit consommateurs de produits laitiers. Et le produit laitier, évidemment, il y a des risques de contamination du lait et de diarrhée très forte, voire létale. Donc, ça serait probablement ça, l'explication. Surtout que la fameuse mutation, la PFE508DEL, est très souvent associée à une autre mutation du gène de la lactase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de digérer le lactose, le sucre du lait, même à l'âge adulte. Donc, on semble qu'on a là trouvé enfin la solution de l'énigme. C'est avouez, c'est génial cette histoire. C'est super, c'est que évidemment, en fait, tout ça reste à l'état de corrélation ou d'hypothèse, mais les corrélations sont à un tel niveau qu'on a du mal, évidemment, à se dire que tout ça ne pourrait être qu'une corrélation et qu'il n'y ait pas un soupçon de causalité dedans. Dans cette aventure. Ah oui, absolument, comme cette histoire de drépanocytose. Et puis c'est assez passionnant, je trouve, qu'effectivement des chercheurs de disciplines différentes, finalement, leurs travaux finissent par aboutir à une solution d'énigme. Oui, c'est peut-être le plus troublant dans cette affaire. Effectivement, en t'écoutant, Cécile, j'ai essayé de réfléchir à est-ce qu'il y a eu des précédents ou des affaires qui sont un peu comparables. Moi, je peux pas citer comme ça d'enquêtes au long cours qui permettent de délucider un mystère biologique comme celui-là. Et ce qui me semble le plus étonnant, c'est cet exercice à l'interface entre plusieurs disciplines. Et à cet égard, ça devient même emblématique de ce que devrait être une démarche scientifique globale, où bien souvent, au contraire, on voit des gens qui travaillent par silos, quoi. Les uns à côté des autres. Il se trouve que la mucoviscidose, comme la drépanocytose, c'est une maladie malheureusement très répandue, donc effectivement, ça suscite des recherches. Des efforts de recherche. Oui, mais là, ce que disait Olivier, ce qui est assez vrai, c'est qu'on voit travailler des secteurs scientifiques qui ne sont pas des secteurs qui dialoguent habituellement. L'archéologie et la paléogénétique peuvent éventuellement travailler ensemble, mais la génétique épidémiologique telle que celle qui est faite sur les maladies génétiques... Oui, mais c'est l'avenir de la science, moi je pense, de travailler mieux et pas au silo. Notamment, on va revenir au début de l'émission pour répondre aux défis que nous pose le réchauffement climatique et la baisse de la biodiversité. Pierre, est-ce que vous avez été tout aussi fasciné que nous par cette enquête scientifique? Alors j'étais un peu perdu par moment pour tout avouer, mais sinon je suis complètement... j'ai compris quand même à la fin l'enjeu, et je trouve qu'effectivement l'approche pluridisciplinaire de manière générale est la meilleure et celle que de l'avenir aussi, notamment pour le réchauffement climatique, effectivement. Et à la fin, c'est toujours les gentils scientifiques qui gagnent. Stop walking till I get a sweet mom. Going Down the River de Mississippi Fred McDowell, morceau que vous pourrez retrouver sur la playlist de la revue Relief, dont le numéro 9 est consacré au fleuve. Alors du coup, ça me permet de faire un peu ce petit jeu qui fait partie de mes jeux préférés. Le saviez-vous, je vais essayer de coincer Pierre Faïs, le plus petit fleuve de France. 1,5 km, alors 1,15 km. C'est lequel? Et là vous m'avez coincé, mais je me souviens de la longueur déjà. Est-ce que quelqu'un, Olivier? Moi je dis comme Pierre. C'est la Veule, en Seine-Maritime, qui débouche à Veule-l'Hérault. C'est un magnifique petit village à côté de Saint-Valery-en-Caux. Voilà. Quelle érudition. Je n'ai pas touché d'argent du comité d'initiative. Voilà. Tout ça peut vous servir donc pour une soirée triviale poursuite, mais beaucoup d'autres informations donc sur les fleuves, donc comme de ce numéro 9 de la revue Relief. Pourquoi les fleuves, Pierre? C'est la suite en fait d'un voyage entrepris par Relief, la revue, donc après les abysses, les tropiques, les pôles, les galaxies, en passant par le ciel, la mer. Les rivages, les sommets. Et ben on redescend depuis les sommets par les fleuves et on arpente les différents reliefs entre les rivages et les sommets. Voilà. Et le prochain numéro sera donc sur les lacs et ce sera une thématique très aquatique cette année. D'accord. Alors on va rester pour le moment sur les fleuves. Comment est-ce que vous avez articulé justement ce numéro 9? Qu'est-ce que la science a à nous dire aujourd'hui de notre connaissance de ces écosystèmes? On l'a articulé en ayant différentes approches, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire tant au niveau géopolitique qu'au niveau de l'anatomie effectivement et de la biodiversité des fleuves, de l'histoire, des relations entre les sociétés et les fleuves, qui sont quand même le berceau des premières grandes civilisations. Ça, c'est pour la partie historique. Les fleuves, faites-nous une sorte de petite carte d'identité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui en termes de géographie, d'hydrographie, d'écologie, d'environnement? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils ont été pendant très longtemps, on va dire, libres et sauvages. Et que, jusqu'au 19e siècle, ils ont rendu énormément de services aux hommes, que ce soit pour la navigation, pour l'irrigation, la pêche, voilà. À partir du 19e siècle, moitié du 19e siècle, pardon, il y a eu un processus d'artificialisation des cours d'eau qui a conduit, notamment, par exemple le Rhin, qui avait de nombreux méandres et tresses avec des îles riches en biodiversité. On l'a corseté, il est devenu beaucoup plus étroit, le lit est plus profond, un chenal rectiligne, et on a perdu un peu cette biodiversité-là qui l'entoure. Ce qui pose aussi d'autres questions au niveau de l'environnement et de la biodiversité que peuvent poser, par exemple, les barrages et la construction de barrages. On en compte 60 000 aujourd'hui, 60 000 grands barrages, parce que sinon ça se compte par millions. Il y en a 54 000 qui ont été créés depuis 1949 sur ces 60 000. En Chine, par exemple, il y en avait une vingtaine à la même époque, pour 24 000 aujourd'hui. Dont le fameux barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage, qui a d'ailleurs un certain nombre de problèmes, comme vous l'évoquiez dans la revue, qui pose un certain nombre d'inquiétudes. Oui, alors après, il ne faut pas non plus. Alors, les barrages hydrauliques, effectivement, il y a quand même des avantages qui sont l'énergie, réguler les crues, c'est l'électricité, l'irrigation. Mais effectivement, il y a énormément d'inconvénients en face qu'on a essayé de mettre en lumière dans ce numéro-là, qui tiennent à beaucoup de points qu'on peut évoquer là, mais c'est notamment la destruction d'habitat, l'impact sur les populations locales. Quand on parle du barrage des Trois Gorges, il y a eu près de 2 millions de personnes qui ont été déplacées. Les poissons, par exemple, pour frayer, sont bloqués. Accumulations de limon qui mettent en péril la structure. Et alors ça, c'est justement là où on peut passer du barrage au delta. Donc les limons, effectivement, sont accumulés en amont, ce qui provoque une érosion des deltas. Et on se retrouve dans une situation où les deltas, par exemple le Bangladesh, qui est un pays delta, les deltas sont les terres sont salinisées, ce qui provoque des problèmes au niveau de l'agriculture. Il y a de l'eau salée qui monte d'un côté, plus l'effet du montée du niveau de la mer, et l'eau douce qui recule de l'autre, ce qui peut entraîner des problèmes de migration climatique dans les prochaines années. Bon, on peut aussi dire du bien, est-ce que vous faites de l'électricité, hein, de, l'utilisation qui est faite des fleuves pour produire, qui est une des rares sources d'énergie, qu'on peut dire. Alors, il ne faut pas dire énergie propre, on va se faire taper dessus parce qu'il n'y a pas d'énergie propre. Mais enfin, ouais. On apprend notamment que, je ne le savais pas, que la Norvège, ça aussi, le saviez-vous, c'est une émission spéciale Trivial Poursuite pour devenir un collable Trivial Poursuite. Écoutez la méthode scientifique. 96% de l'électricité norvégienne vient de l'hydroélectrique. Oui. Voilà, non, mais c'est un chiffre que je vous livre comme ça. Vous pouvez le prendre, vous le gardez près de vous ce week-end, vous le convoquez de temps en temps dans les mois. C'est sûr que c'est une énergie, effectivement, face à l'énergie fossile, au pétrole et tout, c'est clairement un meilleur choix. Voilà. Après, il y a quand même aussi des barrages qui ont été construits, comme les barrages des Trois Gorges, clairement, qui est une catastrophe écologique. Mais il y a d'autres barrages, comme celui d'Itaipu, par exemple, où il y a eu que 15 000 personnes par rapport à 2 millions qui ont été déplacées et qui arrivent quand même à fournir toute l'électricité dans la région. Non, ce qui est intéressant et ce qu'on découvre en lisant ce numéro 9 de la revue Relief, c'est qu'effectivement, il y a peut-être peu d'écosystèmes qui ont été aussi ou autant anthropisés que les fleuves. Vous l'avez dit, pour des raisons civilisationnelles, pour des raisons énergétiques, pour des raisons d'aménagement, pour des raisons de survie, de pêche, de biodiversité. Les fleuves, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un seul fleuve sauvage, à part peut-être la Veule. Non, c'est ça. Non, je crois qu'en Europe, il n'en reste que 3% à peu près de fleuves sauvages. C'est ce que dit Roberto Eplé dans la tribune, Roberto Eplé qui préside le European Network River, qui s'est battu pendant de nombreuses années pour justement de garder des rivières et des fleuves sauvages, que 3% en Europe. Il y a une récente étude dans Nature qui dit qu'un tiers seulement des grands fleuves, je crois que dans les 246 plus grandes rivières, on va dire, sont encore en libre circulation, enfin les eaux circulent librement. Oui. Parce que dans l'anthropisation, alors on va parler ensuite de la contamination, parce que ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement, et surtout comme ils ont concentré de la civilisation et que de nombreuses grandes villes se sont structurées autour de fleuves pour des raisons évidemment historiques, ça a des conséquences sur la pollution évidemment et la destruction de ces écosystèmes. Il y a même le Colorado par exemple n'a plus accès à la mer. Non, c'est ça. Alors ça, le Colorado, depuis le Trivial Poursuite, incollable en géographie sur les questions bleues, vous avez tout. Ouais, le Colorado est surexploité effectivement, donc il y a 29 barrages à peu près, des centaines de kilomètres de canaux, et ils ne se diversent plus dans la mer de Cortés, si je ne me trompe pas, à cause de surexploitation agricole tout autour du Colorado. Et ça, c'est depuis le premier barrage qui avait été creusé sur des terres navarro au milieu du 19e siècle. Et comme vous le disiez, modifier le cours d'un fleuve, ça en modifie la structure profonde, ça en modifie le lit, la profondeur, ça bouleverse les écosystèmes. Et Dieu sait, et c'est tout à fait documenté dans ce numéro de la revue Relief, que les écosystèmes fluviaux sont des écosystèmes extraordinairement riche, complexe, intriqué. Il y a le fleuve en lui-même et puis il y a le bassin du fleuve qui a une surface quasiment 10 fois supérieure à la largeur du fleuve lui-même. Oui, c'est ça, c'est tout un écosystème en fait, ces fleuves. Et il y a effectivement la faune et la flore spécifiques au fleuve qui vivent dans le fleuve, autour du fleuve et sur de centaines de kilomètres autour. Et c'est effectivement toute cette biodiversité-là qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans l'aménagement des fleuves, parce que c'est important de soigner les fleuves, comme le dit Eric Orsena dans un entretien, et de trouver les meilleures solutions pour qu'ils continuent à nous rendre les services qu'ils nous ont rendus depuis des millénaires. On connaît bien aujourd'hui justement la biodiversité, la très très grande diversité, notamment de la vie aquatique douce, des poissons osseux. On connaît assez bien effectivement. Il y a le anguille par exemple qui est assez intéressante comme cas qui vient des Sargasses, de la mer des Sargasses et qui remonte les rivières et les cours d'eau pour aller pondre en amont et pour là je fais des liens entre la mer et entre l'eau douce et l'eau salée. Ouais. Et l'esturgeon d'Europe par exemple qui fait le chemin inverse lui pour les mêmes causes. Et donc ça c'est pour c'est pour la partie, on va dire, un peu positive. Pour la partie moins encourageante, les fleuves donc sont très très sensibles à la dégradation, à la pollution, la tête des niveaux de pollution qui les rendent quasiment invivables, en tout cas le Gange évidemment, mais en Chine le gouvernement reconnaît que 40% des cours d'eau sont gravement dégradés. Ouais. Aujourd'hui le constat qui est fait, c'est qu'effectivement ces écosystèmes là eh bien ils n'existent quasiment plus et la main de l'homme les a vraiment dégradés très très fortement. Oui, et effectivement c'est ça, et ça a l'air d'être de pire en pire. Il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est chaque seconde il y a 50 kg de plastique qui est déversé dans l'océan par les fleuves. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand on représente ça, ça peut marquer les esprits. De gâcher le week-end de Cécile. Désolé Cécile. Mais oui, non, mais c'est important de le prendre en compte. D'ailleurs, je crois qu'il y a Tara, la prochaine mission, on en parlait tout à l'heure, mais qui part explorer les différents deltas d'Europe pour quantifier mieux et voir comment ça se passe au niveau des embouchures. Voilà, 80% de la pollution de la mer, en fait, vient de la terre, et c'est par les fleuves que ça passe. Aujourd'hui, par ailleurs, il faut dire que vous expliquez aussi que ces fleuves, depuis le début, ce sont des alliés de la civilisation, ce sont aussi des géants dangereux, même si aujourd'hui les fleuves, bon, il y a encore évidemment tous les phénomènes de crue, mais ce sont des phénomènes qui, justement, ont accéléré finalement ces processus d'anthropisation. Oui, effectivement, c'est aussi pour ça, c'est pour gérer les crues. Après, il y avait aussi des civilisations qui vivaient très bien avec ces crues. Vous l'expliquez, hein. Dans, par exemple, le delta du Mékong, où qui des populations semi-nomades qui, au moment des crues, vivaient dans des bateaux et en des crues étaient sur les îles et sur les sédiments qui restaient et sont habitués comme ça à vivre de la pêche et de la biodiversité que peut générer ces différentes crues et les sédiments. Un mot, Cécile, sur ces écosystèmes fluviaux qui sont effectivement Ah non, c'est passionnant, ça m'a donné très envie de lire ce numéro de Rally. Vous allez vous faire piquer le... Voilà. Je pense, voilà, merci. C'est comme dans les jeux télévisés, on se donne des... C'est vraiment cette émission par un volo, c'est le cas de le dire. Oui, mais on voit, comme souvent d'ailleurs, qu'il émerge un thème dans cette émission à chaque fois. Donc là, c'est peut-être un spécial Trivial Poursuite, mais c'est aussi visiblement un ode à la transdisciplinarité, mm-hmm. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, pour étudier, comprendre et même améliorer la situation d'aujourd'hui, il faut effectivement des gens qui aient des spécialistes de la faune, des spécialistes de la flore, mais aussi des physiciens, mais aussi des urbanistes, mais aussi des gens des sciences sociales, parce qu'il faut bien voir quels sont les besoins et les comportements des humains qui sont au bord de ces fleuves, voilà. Et donc, c'est passionnant. Olivier ? Pas moi, en pensant, en entendant ces considérations sur les fleuves pollués, là, je pensais aussi aux bonnes volontés qui seront nécessaires. C'est une autre frange de la transdisciplinarité. C'est madame et monsieur tout le monde qui se retroussent les manches pour œuvrer à l'amélioration de la situation. Et il y a le cas de cette grande plaque de détritus qui s'appelle le garbage quelque chose au large du Pacifique qui fait plusieurs fois la taille de la France, et c'est par exemple les vortex de plastique. Oui. Il y en a dans tous les grands océans, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord. Et c'est vrai que c'est des situations extrêmes qu'on aimerait voir de moins en moins souvent quand même. Voilà, si vous voulez découvrir. Oui, Cécile, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois que la semaine dernière, un explorateur, j'ai oublié sa nationalité, avait battu un nouveau record là de descente en profondeur dans les océans. Il était descendu jusqu'à moins 11 000, hein, c'est ça, dans la fosse des Mariannes. Voilà. Ouais, et qu'est-ce qu'il a vu là-bas ? Du plastique. Du plastique. Et surtout, bonne fin de semaine à tous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, il y a même des blind tests dans la méthode scientifique aujourd'hui. Vous avez reconnu, bien sûr, le générique, Olivier. Non, c'est très élastique. Non, c'est des Goldorak. Non, pas du tout. Ça. Alors, il faut me le remettre. Un petit chouïa, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous remettre cette petite virgule musicale? La méthode scientifique, Nicolas Martin. Montez. Alors, non, mais sur Twitter, quelqu'un reconnaît ça. Je suis pas le seul à avoir eu... Cécile ? Rémis en famille. Non, Pierre, mais pas Rémis en famille, c'est pas du tout. C'est quoi votre sujet, Olivier ? Pluton. Non, Pluton. Le sujet d'aujourd'hui. Ah, plutôt Kepler. cette émission part complètement à volo. Non, c'est le générique de Cosmos 1999. Ah, oui. Avec Martin Landau et Barbara Bain. Oui, Martin Landau, évidemment. Et pourquoi le générique de Cosmos 99, Olivier ? Alors, écoutez, parce que là, vous allez parler d'Exolune. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe en Cosmos 99? Ah, ils bivouaquent sur la Lune. Oui, exact. Oui, c'est vrai, oui. Vous avez vu comme je m'en suis sorti. Voilà, incroyable. Bon, alors, du coup, vous allez nous parler de la vraisemblable découverte. Alors, c'est pas une découverte, puisqu'elle a déjà été observée, mais d'une observation qui devrait confirmer ce week-end, justement, pour la première fois, l'observation d'une Exolune, c'est-à-dire d'une Lune autour d'une exoplanète. Ah oui, alors, fort élément de suspense, là. On sait mieux que les séries télé de HBO et compagnie. Puisque, ou Cosmos 99. Oui, puisque c'est, non pas cette nuit, mais la nuit prochaine, que les observations, alors il faudra un petit peu de temps pour retravailler tout ça, mais les observations permettront de dire si, oui ou non, c'est bien la première exolune qui a été découverte. Alors, c'est pas la porte à côté. Cette exolune, elle a été, elle est dans la région de la constellation du Cygne, c'est-à-dire à 8000 unités astronomiques de la Terre. Et, 8000 années-lumière. Il s'agit d'une étoile qui s'appelle, qu'on a appelée Kepler 1625. Autour de cette étoile, on sait qu'il y a une exoplanète. Alors les exoplanètes, c'est quelque chose qui a explosé en 25 ans, puisque la première découverte d'exoplanète, c'était il y a 25 ans par l'équipe de Michel Mayor, qui travaillait en Suisse. Le Pegasus 5B. Depuis, on en a trouvé 4000, de l'ordre de 4000 exoplanètes. Alors 4000 exoplanètes, mais pour l'instant aucune exolune. Donc il s'avère que autour de l'étoile Kepler 1625, il y a une exoplanète qui est à peu près de la taille de Jupiter. Cette exoplanète, elle a été baptisée Kepler 1625b. Et on pense maintenant que autour de cette exoplanète, il y a un satellite qui serait donc la Lune de cet astre lointain. Et cette lune Kepler 1625bi, d'après un groupe de scientifiques de l'Université de Columbia aux États-Unis, ça pourrait être la première exolune. Il y a eu des observations qui ont été faites grâce aux télescopes Kepler et Hubble. Et ces télescopes ont le doigt, si je puis dire, sur des bizarreries de luminosité. Alors peut-être qu'il faut préciser, parce qu'on sait que bon, les exoplanètes, maintenant on sait le faire, mais enfin, ce sont quand même des toutes petites variations de luminosité d'une étoile dont on suppose qu'elle provient justement de la transition d'exoplanètes devant, et donc c'est ça qui en modifie la lumière. Mais comment est-ce qu'on voit une exolune? Peut-être qu'il faut rappeler qu'on n'est pas tout à fait dans les proportions qu'on connaît dans le système solaire, Olivier. C'est pas tout à fait la même taille. Non, c'est pas la même taille. Là, justement, on parle d'une exoplanète qui aurait la taille de Jupiter. Son exolune aurait, elle, la taille de Neptune. Et ça n'a rien à voir avec les dimensions des lunes qu'on connaît dans le système solaire. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Parce que ces observations, bien loin de chez nous, ça remet en question les modèles théoriques qui ont été établis pour expliquer les conditions de création des systèmes planétaires. Il y a des règles qu'on a mises au point pour le système solaire, qui sont d'ailleurs, qui marchent pas exactement toujours très bien. Mercure, qui est donc la planète la plus proche du Soleil, c'est un agglomérat de bizarreries qui s'explique pas encore tout à fait. Il y a la mission Bepi Colombo qui a été lancée, qui permettrait d'en savoir davantage sur Mercure. Mais déjà, au sein du système solaire, on sait pas tout. On a quand même établi des règles pour essayer d'y voir plus clair, mais en ayant regardé ailleurs, on se rend compte que ces règles ne seront pas forcément valables. Alors là, les objets qu'on cherche, qu'on a détectés bien loin du système solaire, ils sont effectivement dans des dimensions extrêmes, mais j'allais dire, c'était un petit peu attendu. Parce que en regardant aussi loin, on ne pouvait s'attendre au début qu'à trouver des objets de très grande dimension. Ça ne veut pas dire que des objets plus petits n'existent pas. En tout cas, là, la Lune, elle serait déjà très très grosse, puisqu'elle aurait la taille de Neptune. Après, pour la détecter, on utilise la technique du transit dont vous parliez, Nicolas. Et effectivement, il s'agit de regarder le disque solaire, le disque de l'étoile, le disque de cette étoile extrasolaire. Et évidemment, elle émet de la lumière, mais cette lumière est occultée, alors un tout petit peu, mais quand même de façon mesurable. Oui, c'est ça. Et puis de façon incontestable, surtout. Ce sont des variations très, très claires, et ce qui permet d'ailleurs de calculer aussi la période de révolution de la planète autour de son étoile. Alors, elles sont claires, et en plus, elles ont une périodicité. Mmh. C'est ça qui permet de voir que c'est parce qu'il y a un objet qui tourne autour. Dans le cas de l'exolune, on constate cette périodicité de la modification de la lumière, mais elle s'accompagne, donc il y a un trou de lumière qui intervient régulièrement, mais il y a un deuxième petit trou, beaucoup plus ténu, beaucoup plus difficile à mesurer, dont on se demande s'il entre dans la catégorie du bruit du signal ou pas, mais quand même il est là. Donc on se pose des questions, et l'une des explications, ça pourrait être l'exolune. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors là, donc on attend la confirmation, parce que on a déjà, pour Kepler 1625 B, on a déjà observé ce signal. Ça fait 7 ans que les chercheurs travaillent dessus. Et ce qu'on attend là, et ce qui serait une première, c'est que le signal soit confirmé. On attend de pouvoir l'observer, de pouvoir tourner les télescopes vers cette exoplanète et de revoir ce double signal dont vous parliez. Oui, puisqu'il y a cette périodicité de la rotation de la Lune autour de la planète, de l'exolune autour de l'exoplanète, et puis il y a la rotation de l'exoplanète elle-même autour de son Soleil, et cette périodicité, elle est de l'ordre de 287 jours, il me semble bien, pour Kepler 1625b autour de son étoile. Et donc, effectivement, on peut pas se dire, on va mettre le paquet là pendant des mois et des mois pour observer ça. Non, il faut attendre que ça se reproduise. Et c'est parce que ça se reproduit donc ce week-end, dans la nuit du 25 au 26, qu'on va pouvoir confirmer ou pas cela. Parce que il y a d'autres équipes à l'extérieur de celle de David Keeping et son collègue Alex Titchet, voilà, qui sont tous les deux à l'université de Columbia, qui sont eux. Alors c'est vraiment des chasseurs d'exolunes, c'est vraiment leur truc. Notamment Keeping, il a créé un dispositif qu'il appelle le HEC, Hunt for Exomoons with Kepler, je crois, oui, puisqu'ils l'utilisent prioritairement. Oui, c'est ça, le HEC pour Hunt for Exomoons with Kepler. Et voilà, il utilise prioritairement le télescope Kepler, donc c'est vraiment son grand dada de trouver les exolunes. Et là, il a un client, si je puis dire. Mais face à lui, il y a d'autres équipes d'astrophysiciens qui regardent les mêmes données et avec lesquelles s'engage non pas une controverse, parce que là, on est vraiment typiquement dans le débat scientifique classique, argument contre argument, et il y a, par exemple, en Allemagne, à Göttingen, au Max Planck Institute, il y a l'équipe d'un scientifique qui s'appelle René Heller, qui lui dit non, pour moi, il n'y a que 30% de chances qu'il s'agisse bien du signal caractéristique de la rotation de l'exolune. Que 30%, donc pour lui, c'est plutôt autre chose. Mais qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'était pas une exolune ? Alors, il y a le bruit du signal, puisque cette technique du transit... Elle est pas parfaite. Il y en a d'ailleurs d'autres. Il y a la technique de la lentille gravitationnelle. Il y a des solutions un peu alambiquées qui sont évoquées par des scientifiques, puisque certains vont même imaginer que dans d'autres cas de figure, des bizarreries de lumière pourraient venir de lune de lune. On avait fait une émission d'Exomoon Moon, c'était appelé. Donc ça, c'est des hypothèses algorithmiques qui fonctionnent sur ordinateur. Il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas exister, fonctionner, mais l'observation n'en a pas encore été faite. Donc il y a un précédent. Il y a quelques années, on avait en 2014, on avait déjà observé ces bizarreries de luminosité, et on pensait que ça pouvait être soit une exoplanète autour de son Soleil, donc là on était dans un scénario classique avec aucune surprise, soit ça pouvait être une exoplanète errante, puisqu'il existe des planètes errantes qui sont dénuées de Soleil, qui voyagent dans Cosmos 99, exactement, sauf que c'est la Lune, oui, et qui eux-mêmes ont quand même autour d'eux un satellite en orbite. Et donc ce binôme, c'était soit d'un côté le binôme Soleil-Terre, soit Terre-Lune. Et ça n'a pas encore été tranché parce qu'il manque des observations, il manque des données. Par ailleurs, il y a ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on va attendre avec impatience les résultats de cette observation ce week-end, c'est qu'il y a déjà eu d'autres observations, d'autres suspicions dans l'histoire de l'astronomie, mais qui n'ont aucune n'a pu être confirmée. Non, et puis il y avait des suspects qui ont des profils appétissants. Dans l'article de Science et Avenir qui parle de sujet dans le numéro qui est encore en kiosque actuellement, on voit qu'il y avait une autre planète qui était plutôt de type Saturne, avec des anneaux immenses qui font, alors on a une représentation dans le journal, des anneaux qui font 90 millions de kilomètres de rayon. Voilà, donc c'est 500 fois plus grand le rayon, un rayon 500 fois plus grand que celui du vrai Saturne. Et à l'observation, on s'est rendu compte que les anneaux semblaient être troués, comme la passoire dans laquelle on égoutte ses pâtes, ce soir peut-être. Et ces trous pourraient être créés par la rotation de lune autour, autour de Saturne, qui en passant dans les anneaux, la perce de trous régulièrement. Mmh. Et mais ça n'a pas été. Alors, un dernier mot rapidement pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce résultat? Qu'est-ce que ça nous apporte? Outre le fait de pouvoir le faire pour la première fois, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'étude de ces exolunes, Olivier? Alors, d'abord, savoir que ça existe, ça fait plaisir, mais effectivement, ça suffit pas. Quand on pose la question à Michel Mayer, justement, qu'on citait tout à l'heure dans Sciences et Avenir, il répond que c'est d'un point de vue théorique que ça apporte des choses. Ça permettrait d'ouvrir de nouvelles théories sur les conditions de formation du système solaire. Parce que, des systèmes planétaires. Mmh. Parce que dans ces tandems, dans ces valses à deux acteurs, entre la Lune et sa Terre, il y a des effets de marée qui se créent et qui peuvent influencer sur les climats, sur les conditions d'une vie éventuelle au sein de la Lune ou de la Terre. On sait par exemple que pour notre Terre à nous, il y a eu des études à ce sujet, je crois que c'était l'équipe de Jacques Lascar qui avait fait ça. Aussi, vous avez des conflits d'intérêts dans cette émission. Voilà, non, c'est vrai. C'est un autre Lascar. Et donc, qui avait déterminé que, en l'absence de lune, le climat sur la Terre aurait été grandement chamboulé et les conditions d'habitabilité de notre planète ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et avec, pourquoi pas, un scénario à l'Avatar où une planète n'est pas habitable, mais sa lune, elle, pourrait l'être justement du fait de ses effets de marée, mais il paraît que c'est de la science-fiction. On arrive à la fin de cette émission. Un mot, Cécile, parce qu'on l'a dit au début de l'émission, donc, joyeux anniversaire. C'est pas tout à fait un anniversaire, on a fêté nos 40 ans il y a déjà 2 ans. Mais là, c'est notre numéro 500. Et effectivement, comme nous cette année, on va vous remettre le lien vers le numéro 500 de la méthode scientifique qui était une joyeuse partie. Vous avez été beaucoup plus rapide que nous à arriver à ce chiffre-là. C'est un numéro un peu ambitieux qui est consacré aux mutations, aux défis actuels que doivent relever les grandes théories, la théorie de l'évolution, la théorie de l'inconscient et la théorie quantique. Et nous avons fait appel à plein de chercheurs renommés pour répondre à ces questions-là, à Étienne Klein, Carlo Rovelli, à Hervé Le Guyader, notre chroniqueur évolution dont je parlais tout à l'heure, Edith Heard, à Nuriel Nakache, etc. Que du beau linge. C'est très passionnant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ces théories sont vraiment encore en mouvement. Il y a plein de surprises dedans. Et pour fêter ça, on organise à la Cité des Sciences, le 6 juin à 18h30, une soirée conférence qui va s'appeler Balade dans le monde de la physique quantique avec notre ami Étienne Klein. Notre camarade. Mais aussi avec Gérard Berry, Nathalie Besson, le youtubeur Bruce Brennamram. Et ça sera croqué en direct, dessiné en direct par Lison Bernet. Donc, vous pouvez venir. Juste, évidemment, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et vous trouvez toutes ces informations sur le fil Twitter de Pour la Science. Et on va le mettre sur le fil Twitter également de la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les trois en une du mois de juin, parce que la une du mois de mai, on la connaissait déjà, Olivier. En mois de juin, ce sera quoi en une de Sciences et Avenir? Alors, ça sort la semaine prochaine, c'est l'intelligence des plantes. L'intelligence des plantes. Donc, Cécile Lessienne, c'est le 500e. Et voilà. Puis. Mercredi prochain. Et la revue Relief, consacrée au fleuve, le numéro 9. Merci beaucoup à tous les trois, Olivier Lascar, Pierre Fay, Cécile Lessienne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Éléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, je vous le disais lundi, nous reviendrons sur le rapport de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité pour comprendre comment il a été établi et surtout pourquoi il est si important. Mais notez qu'à partir de mardi et jusqu'à lundi d'après, toute l'équipe de la méthode scientifique s'envole pour le Québec, où nous essaierons de vous faire vivre de la manière la plus agréable qui soit, le 87e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. On parlera beaucoup de recherche francophone dans un univers essentiellement dominé par la langue anglaise. On va parler de recherche francophone avec des chercheurs de tous les pays du monde. Ça va être absolument passionnant. Demain, c'est à 16h, la conversation scientifique d'Étienne Klein. On se retrouve, nous, lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.